Bonjour. Pour commencer votre journée dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre quelques minutes rien que pour vous. Je vous invite à vous asseoir confortablement. Maintenez votre dos bien droit tout en restant souple, le sommet du crâne tendu vers le ciel. Installez-vous dans cette posture digne et stable, qui vous permet de rester éveillé et attentif tout au long de votre méditation. Commencez par poser votre attention sur votre souffle. Sentez le va-et-vient de l'air dans vos narines, dans votre gorge, dans vos poumons. Observez l'expérience en conscience comme si vous le faisiez pour la première fois. Notez toutes les sensations physiques qui accompagnent votre respiration. La température de l'air qui entre dans vos narines. Le chatouillement peut-être dans votre gorge. Le soulèvement de votre cage thoracique ou encore le gonflement de votre ventre. Soyez dans l'instant. Respiration après respiration, moment après moment, lorsque vous vous sentez bien installé dans votre souffle, porté par celui-ci sans vous laisser emporter au loin par vos pensées, je vous propose d'ouvrir un peu plus votre champ de conscience. Imaginez-vous tel que vous êtes à l'instant. Laissez l'image de vous-même devenir de plus en plus nette, jusqu'à ce que vous en perceviez les moindres détails. Si cela vous est difficile, pensez à une photo de vous qui vous plaît. Posez alors une main sur votre cœur et notez les sensations physiques que vous percevez. Laissez la chaleur de votre main vous pénétrer et imaginez une bulle lumineuse se former autour de vous. Vous êtes à la fois assis ici et maintenant, et face à vous-même. Avec bienveillance, adressez-vous directement à vous, comme vous le feriez à un ami, et répétez-vous mentalement les phrases suivantes. Que tu sois en sécurité. Que tu sois heureux et en paix. Que tu sois aussi sain et complet que possible. que tu connaisses le confort du bien-être. Que tu crois en toi. Sentez en vous la chaleur de la bienveillance se diffuser. Sentez les mots pénétrer chacune de vos cellules. Il est possible que cela soit difficile pour vous de croire en ces mots et de vous les adresser. Rassurez-vous, avec la pratique, cela deviendra de plus en plus naturel. N'hésitez pas à vous répéter encore ces phrases. Que tu sois en sécurité. Que tu sois heureux et en paix. Que tu sois aussi sain et complet que possible. Que tu connaisses le bonheur du bien-être. Que tu crois en toi. Chaque inspiration vous apporte la sécurité, le bonheur, la paix, le bien-être, la confiance. Chaque expiration éloigne de vous ce dont vous souhaitez vous débarrasser. Sentez une vague de sérénité vous envahir. Profitez pleinement de cet instant. Que tu sois en sécurité. Que tu sois heureux et en paix. Que tu sois aussi sain et complet que possible. Que tu connaisses le confort du bien-être. Que tu crois en toi. Si vous le désirez, vous pouvez profiter des quelques minutes qui vous restent pour envoyer ces paroles bienveillantes à un proche, à une connaissance, à toute l'humanité, à toute forme de vie, à la planète ou encore même à l'univers, pourquoi pas. Que tu sois en sécurité. Que tu sois heureux et en paix. Que tu sois aussi sain et complet que possible. Que tu connaisses le confort du bien-être. Que tu crois en toi. Vous voilà prêt à entamer cette nouvelle journée qui s'offre à vous. Ces mots vous accompagneront, instant après instant, s'enracinant toujours un peu plus. Lorsque la cloche retentira, n'oubliez pas de vous remercier pour cet agréable moment que vous vous êtes accordé. Passez une très belle journée. À bientôt.